de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. C'est le moment de l'émission Hint à Brezhoneck. Kentel, Pemkan, No, Ado Hugen, 549. Bonjour Henri. Bonjour Morgane. Ça va? Matri. Non. Aujourd'hui, on commence comme d'habitude par Gerio Arvué. Mmh. Après, il y aura la partie Brezhoneck temps matin, mais puis Petrazone vers Vron, où on prend des nouvelles du pays et d'ailleurs. Quel va être le mot du jour, Henri, mot de la vie, Gerio Arvué? Aujourd'hui, c'est poise. Poise, qui est un mot masculin qui veut dire le poids. Qui veut dire poids. Poids avec un D. Le poids, quand on pèse quelque chose. Voilà. Alors, c'est un mot qui existe également en gallois et en cornique, et il provient du latin populaire pesum, pesum, hein, selon la prononciation, et qui lui-même provenait du latin classique pensum. Alors, c'est un sens propre ou un sens figuré, hein, le poids, tout ce qui pèse quelque chose, hein, voilà. Alors, au sens propre, bien sûr, c'est le nombre de kilos ou de livres, parce qu'en breton, c'était des livres. Hein. Par exemple, au han, c'est 100 livres, c'est 50 kilos. Un sac de 50 kilos. Au han. Et do han, c'est 100 kilos, quoi, voilà. Et par exemple, pour 1000 livres, on disait hormir. Ce qui fait 500 kilos, quoi. Et c'était toujours exprimé en livres, comme ça, autrefois. Voilà. Alors, on pesait différentes choses, bien sûr, hein, les récoltes, hein, les animaux. Hein, les animaux, c'était très important, un poise l'onde. Il y avait dans chaque commune, il y avait une bascule et il y avait une personne qui était titulaire de la bascule. Et donc, quand il y avait une bête à vendre, le vendeur et l'acheteur venaient peser la bête au bourg. Et alors, ce titulaire de la bascule touchait une petite rémunération pour ça, quoi. Mon grand-père a fait ça pendant des années. Donc, il était, dans les 7 métiers qu'il exerçait, il y avait peseur de bestiaux. Ici, à Pommerite? Ici, à Pommerite, il y avait une bascule à Pommerite. Il y avait une bascule, oui. D'ailleurs, le soubassement est toujours visible, hein, et s'est transformé en parterre de fleurs aujourd'hui, à l'entrée de la mairie, là. Et c'était une bascule qui pouvait peser jusqu'à 1500 kilos, quoi. Donc déjà, un beau taureau, quoi. Il y avait rarement des taureaux qui arrivaient à ce poids-là. Voilà. Alors, poison, hein, le poids d'une personne. Hein. On disait souvent, l'acato poiso argador. Te le topoise ou regardant pour dire s'asseoir, mettre son poids sur la chaise. C'était une façon plaisante de dire la chose, quoi. Voilà. Alors, le poids, le mot poise désigne également l'influence de quelque chose. Hein. Poise noir, par exemple, hein, le poids des ans. Hein, poise religion, hein, le poids de la religion. Poise religion, loi brase, braise, gogel. Voilà. Donc tout ce qui est influence, c'est poise. Alors il y a beaucoup de dérivés de poise, hein. Par exemple, poise moise, l'accent, hein. On en parle souvent, hein, puisque le poise moise. C'est le poids de la voix, littéralement. Le poids de la voix. C'est fou ça. Oui, oui. Qui est sur l'accent, l'avant-dernière syllabe en breton KLT et sur la dernière en breton Vanté, quoi. Donc, ce qui donne un rythme un peu différent à la langue. Alors, poesaden, hein, poesaden, ça veut dire la pesée, hein. Donc, comme c'est un mot féminin, poesaden. On peut utiliser aussi poesadur, hein, qui lui est un mot masculin, comme tous les mots en adur, sauf plijadur. J'ai peut-être pas dit tout à l'heure que le pluriel, c'était de poes et poesjou, hein. Voilà. Alors, ça désigne aussi les poids qu'on utilise sur les bascules. Hein. Poijou, hein. Sur les bascules ou sur les balances. Hein. Voilà. Ils étaient beaux, ces petits poids en laiton, là. Oui. Dans les boîtes en bois. Rangés dans les boîtes en bois, oui. Jusqu'au gramme, oui. Mmh. Oui, oui. Et on utilisait aussi des anciennes pièces de monnaie comme poids aussi. Autrefois, les plus anciennes pièces de monnaie en bronze, là. Voilà. Alors, Poésance, hein, Poésance, qui est l'influence, hein, la pression. Et alors, il y a aussi un mot qui est dérivé de Poésance, c'est Boise, par exemple, hein, Boise, ou poésus important. Hein. Ça a le même sens. Hein. Autrefois, on disait plutôt boise, et j'entends beaucoup dire poésus maintenant. Hein. Poésus est une chose importante. Hein. Au départ, donc, quelque chose de pesant, mais qui est devenu quelque chose d'impesant. Et il y a aussi kempuis, qui est l'équilibre, hein, qui est dérivé de poids, hein, c'est-à-dire un poids équivalent des deux côtés, quoi. L'équilibre venu de la balance, en fait. Hein. Kempuis. Alors, avec des dérivés comme kempuisant, hein, équilibré, ou dit kempuisant, déséquilibré. Bon, ben on va faire quelque chose d'équilibré, on va s'arrêter maintenant. On s'arrête là, on en reste là et on passe à Brisonnec tant ma tombe. Brisonnec tant ma tombe avec aujourd'hui, comme d'habitude, un petit tour à Zantolec où Chanik, la fille de la radio, promène son micro pour savoir un peu ce qui va se passer. C'est ça, Henri, en fait. Oui, en fait, là, c'est après le repas des anciens qui a lieu tous les ans au mois d'octobre à Zantolec. Donc Chanik est allé voir Louis, le président du club des anciens, pour parler de ce repas des anciens près de Régos. Salut Louis, ma de jeu. De ce que te glaime, Chanik. L'arrêt d'Inta, Louis. Clévet de Meuse et Wandéal, près d'Arégos, Bazantolok. Ya, Guiré, Orvège Blanc, Vegrezé, Gandorleb, Emglev à Quarante, Ag Zikou Redompé, Gandorbarous. Bazantolok, Vegret. Ya, Evel Juste, Batifonge Penquat, Vegret, Vegreder Pretz, Amilardar, Vetro Wandol. Debet Matpus. Il fait Yavat. Au bonard d'Igorcal, on nous obéit de Tiantan, Gond Bouet Marmous. À au bonard Zou, Benoît Lair. À Waller, ou à Langue de Bœuf. Gond Bonnet d'Outoussek. À Gros, et Veljus, Waller. À Zaladen, à Fourmache. À Gond Tom Kunyamand, Gond Arafé. Bouet Scan, Benarfin. On aurait que fin, hein, Chandik. N'est que Médové, je blanc. À Plijadur, Zobet. En fait, Yavat. vel quis accustum, quand noé nous obéit à son eres, ton ros, ton hafe, trujen gaul, accordéons harmonica, ya, tout d'un zut oua content, ne oua que triste un dut. On va reprendre ce dialogue phrase à phrase, Henri, entre Chanik et Louille. Salut Louille, ma de jeu. Bonjour Louille, ça va? Est-ce que t'as glem, Chanik? Y a pas à se plaindre, Chanik. Y a quelqu'un qui dit ça aussi souvent. Oui. L'art est d'une ta Louille. Dites-moi donc, Louille, hein? Clévet de Meuse et Wandéal, près d'Arégos, basant de Tolok. J'ai entendu qu'il y avait l'autre jour le repas près d'Arégos, hein, le repas des vieux, littéralement. Hein. Près, c'est un repas en général. Hein. Alors, selon les repas, ils ont des noms différents, mais près, c'est un repas en général. Basantolok, Azantolok. Il y a Aguiré. Hervé Charbla avec Gret, Gonar Club, Plija dur à 40. Oui, on le fait une fois par an avec le club Plija dur à 40. C'est le nom du club des anciens Azantolok. Azikouré, Donbet, Gonar Parous. Et nous sommes aidés par le. Par la commune. Alors, le mot commune, en breton, on dit Urbarus comme la paroisse. Voilà. C'est un nom féminin, c'est pour ça qu'il y a un B, Urbarus. Bazantolok, Végret? Ça se fait à Zantolok? Il y avait juste bâti Fonchpenquat et Végret d'Arprit. Oui, chez Fonchpenquat, on fait le repas. Ah, mais l'ardeur vertra au Arandol. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses sur la table. Des bêtements de puce. Vous avez bien mangé? Ah, fait Yavat. Ah, vraiment, oui. Très bien. Ah ben, on a calon, ou de Genta. Oui, un petit apéritif pour commencer. Gant bouet de marmousse. Oui, avec des amuse-gueules. Bouet de marmousse, hein, littéralement, de la nourriture pour singes. Des cacahuètes, quoi. Oui, des cacahuètes, oui. Un garbon en soupe, noir l'air. Et une soupe après, hein, un peu de soupe après. À langue de bœuf, gant bonnet d'où tout sec. Et alors, oui, le mot langue de bœuf est devenu un mot à part entière, quoi. Là, ça s'écrit... Ça se prononce comme un seul mot, hein, langue de bœuf. On pourrait dire « tiodi genin » en breton si on voulait, mais en fait, les gens disent « langue de bœuf » en français, dans le breton. Hager ros, vais juste voir l'air. Et après, le rôti, bien entendu. Saladen, fromage, hagen tom... Salade, le fromage. Hagen tom queen amand, gant ar rafé. Et un peu de queen amand avec le café. Bouetskan, ben ar fin. De la nourriture légère, finalement, qu'elle dit, Chanik. Rik et fen, Chanik. Ne vous moquez pas, Chanik, il la vous voit, hein, comme on fait par ici. Nekemet Arvé Charbla. Oui, ce n'est qu'une fois par an. A Plijadur, Zobet. Et il y a eu du plaisir, de la joie. Ah, ya, velkis accustum. Oui, comme toujours, bien sûr. Quand a ouinou, Zobet. Il y a eu des chansons. A zonérez. Et de la musique. Ton arros, ton arrafé. Ton arros, ton arrafé. Nejetra, ne blichtin mi, velorban arcafé. Jeune gaule. Clarinette. Accordéon. Accordéon. Harmonica. Harmonica, c'est pareil. Ah, y'a. N'est-ce pas qui est triste en tout. Les gens n'étaient pas tristes. On en reste là pour Brézonnec tant matin, mais on passe à Petra Zonévé Arvro maintenant. Thank you. Calz au Neve Arvro. Calz a draouz au Neve Arvro evel just gwervej diouzan. Krogom de diantan evel kiz a custum ganola bourdoua hag ur vue war ar mez. Tremen ade bremañ gwell mitiel. Veb e pla ba no ar nugen de zembis gwen golao evel just. Ur egoz e lare wale ar gwell mitiel e te un diskar amzer. Setu omni bremañ ba un diskar amzer. A ba miz her e pelare en mat. Krog e ar pizmoc de gwell hag hist in de gwell a blammez o kalz de se a zo kalz e pizmoc hag gist in de gwell de se gwell. A prestit vo e houlz de zer ier maïs a deus vel an vo maïs ke ar blammez kalz e blasao. Videla bourdouar e poez justri priz en trou pe guir veg Alice kalz e gudet nou ganze. Priz e mor zo Edouard Drou pas de roc à doigt ou à gruer, mais vraiment, il est d'adar et ou à drôle. Ag, ne veut que guère à pisser un mot de vos comptes bénéfines, qu'a pris son réis, lui paye au cargo, zaverien mort. A pris le laisse, ne hack, n'a que cas ou à gruer. Ag, ou scoude prise de normandes au cresque calz, plus dur et aide terre gouèche mûre, vie de oua d'au lasso. Wardachen, l'arbre doux à oise, Kalz eo dabu de zo ur mar e mank an ur glyphosat. Ur glyphosat zo ur poezon e ijin eo gant ur stal monto, Monsanto vid lar an eo yot. Hag bon, Hervé Klevet vo divenet implij eo glyphosat, ben o blan pe daula pe tribla vek eo gwaret just. Pe dur ar tout de ministre nen ket de du. Nicolas Hulot ne zlars kler oa en eo d'ar mi glyphosat, met... ministre l'arbre douar ne l'arque zé, hag ministre tient en ne l'arque mames mot, bon, c'est tu. N'est qu'on quoi, n'est que zur pèse vos grètes. Péouen un comps de Nicolas Hulot, justement, ne veut que clé et calze de rouge, leur mar aimant, gand de nerbors, y trente variales l'an d'ailleurs. Nicolas Hulot ne zlare, doit une de nerbors, mais aisément mames mot, de ministre d'Els, ou du. C'est une okebra, n'est que bras à goutte, pèse à mot de vos cons. Tu de skiant, zo labour à droisé, de ze vec clèves. Mais n'a qu'un trop qu'al zo à roc. Wardach en or politique, reste vraiment. Ne ce que quoi le belzo, war votadec, et vide, camberegos. Camberegos et ar sénat. Bon, zo bé de votadec, ou vide, ar sénat, camberegos. Hag bon, un trou, breiz ne waket med, ne waket vot med ba borbien, a ba bro naonet. Hag ne ke chanche kalz un trou benefin, man chom med, skazi war vel loin. Hag Joël Labbé, de ze morbien, de ze gal un mir di gador, pez ne waket anat. Vi chom moun tam war, vi don un tam war la bordou ar oaz, mez an koyed lard oa bet, ne ske gwal belzo a konkour braz vi de yezek, bal en bal, agar o abigwell kalz diezek, de ze vro. Vi komz d'un tamm de zun ekonomie, ze stal a pro boa, bar o stren, ne ze igor neve so, i stal neve, o ar nentier grist, agar ze vo get gran en kwat, d'Oberton, gran en ze veran, selti kwat. A ze zo mat, vid o vro, evel just, gado nan breger ze sors, ba... Barostren. Ne vaisseau, végénam, zor contendard de ze main grun, puis durze zo un dra bouez vid breiz, hag ne vaisseau, oa begred o nemvo de tout de stal yo ra verz min grun ba vro, a ze oa begred ba karnoet, puis dur enan zo telven oa ba traunen ur zend, ke zo on tamm o l'air, l'air ve gwell, et tout de men grand ve in plije de breiz. Gant, puis komz vraiment on tamm de ze venadur, gant un distro skol, ta un distro, et vi tout de strolad ou ara kente du brezon, hag, kalz de strolad ou ara vraiment kente du brezon, hag, breiz, ou ar gro kan a perrugen strolad mezan, Rakenteli ou brezondeg, az pentri milden, zo tiski brezondeg no mot penel. Hag videreio, ang zo spenugen mil, Otiski Brezon et Bascolajo. Végénom, je suis content d'arriver de ce cartaïa de Brezonek, à ce que Gual Belzo a bésiné, carta, quand Strolat Parisiou, Gwen Gam Pempoul, à ce pays Strolat Parisiou, hein. Alors j'ai payé 3 heures, avec le velar de ses, à 800 de mots, de ce zine de cartaz, si tu voudrais, tant mot trop, vide au Brezonek, au Bavro. Puis, comme j'en de ce Brezon, dans l'Oise, comme j'avais déjà de ce Redad, que vous bamisez, évident Brezon, mon d'oreilleur blanc, mon de ce Quimper de Bouguerne, zéra 1050 kilomètres, pas ouareune, mais, rien d'histoire, y'a vos grettes. Ag, bon, j'en j'ai le rendre vos, on d'ra voir, d'Oise, Redad, blanc, m'Oise. Nevisou, et Biro de Gand Patrick Malrieux, Trorou Gunnerminik, le gars avec Vélars écoliers de l'Hermine, de Bévardin, hein, de Glabour de Vidan Brezonek. Trorou Gunnerminik, Véro et 10 de, au Vigebla de Tude, de Glabour de Vidan Brezonek. Vidan Brezonek, avec Zévena du Drevras. De Dianton ou à Marie Riwal, zo Plar, de Glabour de Vidan Hel Rio Keltik. Louis Elguat, azo, Kélénère hag, Historo, on escrive les verres yoga Histor Brace. Alan Le Noir, on dit, na neus labour de Vidastum Trou, Trou Adro de Bro Loudiac, Trou Cornet, Trou Contet. Hag, Joël Auvin, Hens au Houndet, Tientor Nono. Ne sket de tressadeno, hein, soit qu'elle est née, ou après des rouries, mais ne sket calz, calz drou, boue, me jonge, ne, y voit gret tressadeno, vide, lever, brezonne, buenagez, grand perdenes, des opelzo, boue, déjà. Vichon, war, war, war dash, en brezonne, Francis Favreau, zo randvenement à Bavreau, ne scrive de lever, ne vaisseau, yez galianek le gaulois in gal hein. Hag et celticisme les gaulois et nous Francis Favreau ne labour et cals dur ne gred or pes guerilla dur bras hein, ne labour de pas très grand de la warney warnan pelle en mode hag was un diel ou tramne ba bayer kabé ala et moi labour à was war Alors, guerrière du roi d'Internet. Bon. Ne ce que quoi le belzo, moi, comme je tarde déjà de ce dévise ou, glotte, une gare avec l'arzé journée du patrimoine, à que blanc me roisse, zobé disque cal, je drogue d'un dut, indiqué mère d'un dut, dont temps me péblère, bavro, à que traouné, véroi de velet, d'asquer chapel, le zandror, bah, plon de quintin, à que, hendel roisse, un tigar plus grand de vent. Ag, bon, zézomad, hein, on peut dire, ma treize un peu sclève de, comme de un tigar, plus grand de verba, RKB, peut dire, zobé l'on a bas, d'un, et hindel, ne ce que quoi le belzo, ouas, puis on compte de chapel, y oua de zorglat, m'embé d'igour, et chapel zantouarne, zoba boulevriac, zo, zobé de, radne vise de, ne ce que quoi le belzo. Ag evit déchu, ba million de gamant, blanc moroise, kizélan, ag zo kizélère, yano labourat. Bon, c'est une tombe de spessonné, vébro. Goura ou don don tombe, bu du, mais, j'en j'arrête clair, me voyez, ou à l'air. Merci, Eric. Kenavo. Kenavo, Morgane.